familiale de Noël, mercredi au cinéma. Monoprix. Tu sais que t'es un expert en champagne quand tu sais exactement le nombre de bulles qu'il y a dans une flûte rien qu'en la regardant. Et tu sais que t'es vraiment un expert en champagne quand tu vas chez Monoprix les yeux bandés pour choisir à l'oreille la bouteille qui pétille le plus fort, d'accord ? C'est Noël chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle. Pour l'achat d'une bouteille de champagne Tétinger Prélude Grand Cru acheté, la boîte de caviar Barry Français 20 grammes est offerte jusqu'à ce soir seulement. Monoprix. Voir conditions de l'offre en magasin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, bougez plus. C'est de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne matinée sur RTL. Forcément bon ce Noël sur RTL. On a le plaisir de vous retrouver demain, toute l'équipe de Laissez-vous tenter, hein, juste après le journal de 9h. On aura un invité exceptionnel, un beau cadeau, puisqu'il s'agira d'Olivier Barrault, le réalisateur des Tuches 3, le plus gros succès français au cinéma cette année. Des frites. Vous connaissez... vous connaissez vos classiques. Je suis calé cinéma. Vous m'auriez parlé de Visconti, j'avais un ou deux détails sur... Voilà. Là, vraiment, des frites, des Tuches, je marche. Mais par contre, la musique d'Apocalypse Now, ça, il n'y a pas de problème, Bruno Guillon. Alors, je trouve que c'est totalement raccord avec l'esprit de Noël, vraiment, on met pas assez de Wagner. Que ce soit plutôt une pierre dans notre jardin sur notre façon de faire notre émission. Je ne comprends déjà pas ce qu'elle dit, et l'émission n'a pas commencé. Comment vous dire, bonne journée et surtout bon courage à tous les deux. Merci Jérôme, on vous retrouve demain matin avec toute l'équipe. À demain. C'est le grand quiz de Noël sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et je voudrais avoir une pensée à ceux qui se réveillent en ce 24 décembre. Dans l'âtre, le feu crépite. Un petit rayon de soleil éclaire ce sapin installé depuis quelques jours. Les enfants sont là, ils attendent la visite du Père Noël. Et papa et maman, d'un geste timide, allument leur station de radio. C'est leur station préférée, c'est RTL. Et ils se disent, mais quel programme magnifique nous ont-ils concocté pour fêter Noël ? Et là, ils s'aperçoivent que nous allons les accompagner jusqu'à vendredi avec Caroline Diamant. C'est le moment où le chat saute sur le sapin, que le sapin s'écroule, tombe sur la cheminée et prend feu. Mais c'est ce moment où nous vous disons bonjour. Bonjour Bruno, bonjour la France. Ah, qu'est-ce que vous êtes belle en Mère Noël, Caroline. N'est-ce pas ? Ah, j'adore les longues barbes, que voulez-vous. Semaine de grands quiz de Noël. C'est ni plus ni moins ce que nous allons vous proposer tous les jours entre 9h30 et 11h. Alors évidemment, nous ne venons pas les mains vides. Nous venons avec une hotte remplie de cadeaux. Et dans ces cadeaux, il y a des séjours à Disneyland Paris, chère Caroline. Mais oui, êtes-vous plutôt princesse ou pirate ? Vous choisirez votre camp lors du festival Pirates et Princesses du 19 janvier au 17 mars 2019 à Disneyland Paris. Lors de cette célébration interactive, profitez d'un incroyable concentré de royauté, d'aventures et de personnages Disney. RTL vous invite à choisir entre contes de fées enchantées ou aventures de pirates. Épée ou couronne, boulet de canon ou robe de bal. Vivez une expérience féerique à Disneyland Paris. Et il y a d'autres cadeaux qu'on rajoute dans cette hotte, bien sûr. Vous voulez des MacBooks ? Il y en a. Des iPhones ? Il y en a. Des iPads ? Il y en a aussi. Des téléviseurs 4K 49 pouces ou des PlayStation Sony ? Oui, là aussi, vous pouvez en gagner. Là, vous me dites, mais comment ça se passe ? Vous appelez dès maintenant le 3210 pour vous inscrire, 50 centimes la minute, ou alors vous envoyez quiz, Q-U-I-Z, par SMS au 74-900. Et sur les réseaux sociaux, ça marche également avec le hashtag RTL Quiz. Je parlais d'esprit de Noël, plongeons-nous dans cet esprit de Noël. Avec ce titre de 1985 du band Head, Do They Know It's Christmas Time sur RTL. It's Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world of plenty, time. It's hard, but when you're having fun. George Michael et Tears for Fears à Paul Young en 1985, le gratin de la pop britannique sur ce titre. Band Aid, Do They Know It's Christmas Time, extrait du coffret 4 CD, George Long Christmas, toute la magie de Noël avec plus de 75 standards américains soigneusement sélectionnés par la voix légendaire des nuits d'RTL. Le grand quiz de Noël, on joue avec vous juste après ça. Noël, c'est déjà demain. Alors, avec le calendrier de l'Avent Grand Frais, tentez de gagner votre panier de fête d'une valeur de 200 euros. Trouvez le mot de passe dans votre magasin et envoyez-le sur grandfrais@rtl.fr. Et avec Grand Frais, donnez du caractère à vos menus et venez découvrir les vins sélectionnés par votre épicier d'ici et d'ailleurs pour accompagner vos repas de fête. Grand Frais, le meilleur marché. Règlement en magasin et sur grandfrais.com. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne matinée sur RTL. Leclerc. Chérie, j'ai une surprise. Mais non, des homards. Des homards à 19,99€ le kilo chez Leclerc. Pour un sublime repas de fête. Moins de 20€ le kilo de homards. Chez Leclerc. On va se régaler. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 20 au 24 décembre, le homard cuit pêché en Atlantique Nord-Ouest de 300 à 400 grammes pièce est à 19,99€ le kilo. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Du homard. La tête que va faire maman. J'ose même pas imaginer. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bonjour, moi c'est Tom. Et lui, c'est Moby. Il a fallu que j'attende un peu pour le rencontrer. Car chien guide, eh bien ça ne s'improvise pas. C'est toute une éducation, hein Moby? Mais tu es prêt maintenant. Et grâce à toi, je peux aller où je veux. Mais oui Moby, toi et moi, on va être inséparables. Transmettre un leg ou une assurance vie aux chiens guides d'aveugles, c'est financer partout en France l'éducation de nos chiens pour offrir à des personnes déficientes visuelles le compagnon indispensable à leur autonomie. Informez-vous gratuitement au 0800 147 852 ou sur chienguideleg.fr. Monoprix. Ma chérie, tu sais que tu prends le réveillon au sérieux quand tu fais passer un casting à ta famille pour savoir qui tu vas inviter à ta table. Et tu sais que tu prends le réveillon très au sérieux quand tu vas chez Monoprix avec un architecte parce que tu veux faire des petits fours design. Ok chérie? C'est Noël chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle pour un bloc de foie gras de canard entier torchon 220 grammes Labéry acheté avec la carte. Le deuxième est offert jusqu'à ce soir seulement. Monoprix, IGP Sud-Ouest, voir conditions de l'offre et de la carte en magasin et sur monoprix.fr. Pour votre santé, bougez plus. Le grand quiz de Noël sur RTL. Grand quiz de Noël, tout cet hiver, toute cette semaine de Noël sur RTL. C'est avec grand plaisir que nous accueillons le premier candidat de la matinée. Jérôme est avec nous. Il habite à Fontaine-le-Mallet. Bonjour Jérôme. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Jérôme. Bienvenue sur RTL. Alors merci Jérôme, beaucoup. Dites-moi tout, en ce 24 décembre, qu'a-t-on de prévu du côté de chez Jérôme à Fontaine-le-Mallet? C'est repas de famille ce soir à la maison ou vous vous déplacez? C'est repas de famille, en famille, à la maison, tranquillement, avec ma compagne et mon fils et la famille. Voilà. D'accord. Petit menu de Noël, c'est histoire de faire saliver la France. La France a envie de saliver. Moi, je veux savoir le menu de Noël et qui cuisine. Voilà. Alors là, ma compagne m'écoute, là, à mon avis, c'est ma compagne qui cuisine. Elle fait un très bon foie gras. Tous les ans, elle fait elle-même son foie gras. Donc, c'est parce qu'elle vous écoute que vous dites ça, c'est ça? Oui, voilà. Ouais. Non, c'est vite, elle m'écoute, donc elle fait un bon foie gras. Elle fait elle-même son foie gras, ça lui fait un point commun avec Jean-Sébastien Petit-Demange d'RTL qui se prépare son foie gras depuis une trentaine d'années. Le sien, selon les médecins, je parle, celui qui est à l'intérieur de son corps. D'accord. Bon, Jérôme, Bruce Springsteen, je vois que vous avez quand même une anecdote assez dingue. Avec le boss kiss qui vous est arrivé lors d'un concert de Bruce Springsteen. Eh ben, en fait, on était sur Paris en février, on avait acheté les places directement au Palais Omnisports de Bercy à l'époque, il n'y avait pas Internet, ces choses-là. Et la gentille personne au guichet nous avait dit, faites-moi confiance, je vous vends des places très bien placées. Et en fait, on s'est retrouvé dans la tribune VIP avec tout le showbiz. C'était au moment de Roland Garros, il y avait tous les tennismen, André Agassi, Ben McEnroe. Oui, monsieur, pendant Roland Garros, les tennismen vont au concert. Surtout les tennismen français, ceci d'où leur résultat. Sûrement cela. Jérôme, Vous êtes le premier candidat de la semaine, vous l'avez entendu tout à l'heure, vous allez pouvoir gagner un séjour à Disneyland Paris à la fin de cette première demi-heure, d'accord ? Et si d'aventure vous avez 10 bonnes réponses d'affilée aux questions que je vais vous, que Caroline va vous poser, vous pourrez tirer une enveloppe du Père Noël, de la Mère Noël en l'occurrence, et peut-être gagner un MacBook, un iPhone, un iPad, etc. D'accord ? D'accord. Si vous ne savez pas, vous dites « je passe ». Je passe. Nous sommes partis pour une minute. Attention, top chrono. À quel instrument de musique associe-t-on un nez retroussé ? Je passe. Combien de desserts sont traditionnellement servis à Noël en Provence ? Je passe. Quel célèbre couple chantait les gondoles à Venise ? Ringo et Sheila. D'où est originaire notre nouvelle Miss France 2019 ? De Tahiti. Comment s'appelle la voix masculine entre le ténor et la basse ? Le Stentor. Dans quel département êtes-vous si vous visitez le château de Chambord ? Le Loir-et-Cher. Quel aliment plonge-t-on dans l'huile pour une fondue bourguignonne ? De la viande. Que trouve-t-on au bout du bonnet de Oui-Oui ? Une clochette. À quel animal associe-t-on les pinces que l'on utilise pour connecter deux batteries de voiture ? Le crabe. Dans quel film de Guillaume Canet, Johnny Hallyday tenait-il son propre rôle ? Je passe. Et c'était Rock'n'Roll, gigantesque film, avec ce moment culte entre Guillaume Canet et Johnny Hallyday. Bonsoir Guillaume, qu'est-ce qui se passe ? Laetitia, tu parles à qui ? À Guillaume ? Guillaume qui ? À Guillaume Canet, mon amour. Rock'n'Roll ! Je fais ça tout le temps, ça m'énerve. Comment ça va, Jérôme ? Bien, ça va. Il était extraordinaire, Johnny. Mais même en tant qu'acteur, et cette scène où Guillaume Canet sort de la maison, donc de Johnny Hallyday et Laetitia, où Johnny dit qu'il ne fume plus, et il l'appelle en disant de lui filer une clope, c'était magique. Bon, pas de point marqué en tout cas sur cette question. On va revenir, si vous le voulez bien, Jérôme, sur vos différentes réponses. À quel instrument de musique associe-t-on un nez retroussé ? Il s'agit de la trompette. Oui, regardez. Jouer au mouchoir, c'était il y a deux ans, je me souviens. J'ai eu une sale crève chopée au mois d'octobre, les premiers frimas de l'hiver. Regardez, écoutez, regardez. Après, il faut avoir un nez comme le mien. C'est en famille. Combien de desserts sont traditionnellement servis à Noël en Provence ? 13. 13 desserts, c'est beaucoup. Ouais. Vous l'avez trouvé, les gondoles à Venise, bien sûr. Sheila et Ringo, musique. La voix masculine entre ténor et basse, ça n'est pas Stentor, ça c'était le café, non, c'est le baryton. Dans quel département êtes-vous si vous visitez le château de Chambord ? Bien sûr, le Loir-et-Cher. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à tourner des hectares. Vous aviez bon pour la viande que l'on plonge dans l'huile pour la fondue bourguignonne, le grelot, vous avez dit la clochette, c'est un grelot, mais ça va, on l'accepte. Et enfin, à quel animal associe-t-on les pinces que l'on utilise pour connecter deux batteries de voiture ? Vous associez des pinces de crabe, je vais prendre des pinces crocodile, le véhicule démarrera beaucoup mieux. Bon, alors, vous êtes le premier score de cette matinée, et ce score s'élève à 5 bonnes réponses. D'accord. Jérôme, si dans un quart d'heure vous êtes devant avec ces 5 bonnes réponses, nous vous rappelons pour vous offrir le séjour à Disneyland Paris. Mais là, tout de suite, ce que vous gagnez, c'est une montre RTL, d'accord ? C'est très gentil déjà, merci. Jérôme, quoi qu'il arrive, passez de belles fêtes et un bon Noël à l'écoute de la Première Radio de France. Oui, mangez bien. Et bon réveillon à vous deux aussi, merci. Merci beaucoup, on va le passer ensemble, on laisse nos familles de côté. C'est décidé. D'accord. Et ben au moins j'ai déjà la bûche. Allez, on va revenir dans quelques secondes sur RTL. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noëls. Cette année pour Noël, c'est moi qui apporte les huîtres. Facile. Bah oui, chez Carrefour, les 6 huîtres fines de Claire élevées par des ostréiculteurs français sont à seulement 3 euros. Résultat des courses ? Se régaler à Noël tout en faisant des économies, c'est possible. Pour vos repas de fête, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, profitez des 6 huîtres fines de Claire Marraine-Oléron, filière qualité Carrefour à seulement 3 euros. Carrefour. 375 grammes les 6 huîtres numéro 4, soit 8 euros le kilo. Voir liste des produits et magasins participants sur carrefour.fr. Nos cibles, Envie de trouver le cadeau idéal pour Noël? Rendez-vous chez Nocibé pour combler tous ceux que vous aimez. Parfums, coffrets, palettes, des offres exceptionnelles à tous les prix vous attendent en magasin ou sur nocibé.fr. Et jusqu'à la dernière minute, profitez du Click and Collect 2 heures sur nocibé.fr. Nocibé, la beauté libérée. Conditions dans les magasins participants et sur nocibé.fr. Père Noël, je voudrais plein de chocolat pour moi, papa, maman et mamie. Oh oh, j'ai rempli ma hotte de coffrets Réhouté chocolat. Et il y en a pour tous les gourmands. Venez en magasin déguster nos chocolats de qualité. Recettes artisanales et coffrets à partir de 8,60€ seulement. Réhouté chocolat, fabricant chocolatier français. Goûtez, vous verrez. Pour votre santé, évitez de grignoter. Chers voyageurs, on approche tous ensemble de Noël et on se faufile dans la vallée des forfaits mobiles. Couvrez-vous, hein! Ici, les prix descendent à 0€! Ah oui, 0€, c'est la magie de Noël! Et ça fait surtout chaud au cœur! Oui, oui! À Noël chez SFR, il gèle sur les prix. Jusqu'au 7 janvier, le forfait starter est à 0€ par mois, puis 4€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois. Cyril, tu dis toujours divin foie gras du Sud-Ouest. Parce que c'est divin. Et foie gras, ça va avec Sud-Ouest. C'est comme ça. IGP, Canara foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Occitanie. Leclerc. Maman, je te vois avec ma boîte de chocolat. J'adore ces assortiments de chocolat Suchard. Eh ben parfait. En ce moment chez Leclerc, 30% de réduction immédiate sur la boîte marché de Noël de Suchard. 30% sur tes chocolats préférés. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 18 au 31 décembre, l'assortiment de 300 grammes de chocolat marché de Noël de Suchard avec 30% de réduction immédiate est à 5,52€, soit 18,40€ le kilo. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. On y goûte. Pour votre santé, bougez plus. Caroline Diamant, Bruno Guillon, c'est le grand quiz de Noël sur RTL. 32-10. C'est le numéro d'RTL pour vous inscrire. Ou alors vous envoyez quiz, Q-I-Z par SMS. 74 900, 75 centimes par SMS. On n'a pas entendu votre U entre le Q et le I. Pardon ? On n'a pas entendu votre U entre le Q et le I. Quiz. Voilà. Vous envoyez quiz. Tout à fait. Véronique est avec nous ce matin. On part à Dijon. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour Véronique. Moi personnellement, je reste à Paris, mais si vous avez envie de partir à Dijon, il n'y a pas de souci. Magnifique. Alors, ville, Dijon. J'adore parce que vous êtes chef de cuisine. Vous êtes une grande passionnée de cuisine et de gastronomie. Donc, j'imagine que vous préparez un festin pour ce soir. Ben voilà. Oui, je suis dans la cuisine depuis hier, on va dire. Ah oui. Le menu, le menu. Alors, foie gras maison, donc classique, et puis orange avec chutney et échalote. D'accord. Ah oui, après, là, on est Saint dans Saint-Jacques au velouté de châtaigne. Après, on va avoir un magret de canard aux épices. Et puis, je fais les bûches. Ah, alors, réaction. Ah, vous faites les bûches. Réaction à ce que vous dites sur votre menu. Voilà, ouais, là il est en train de dire à ses potes, les gars, planquons-nous, le soir de Noël, il fait pas bon se balader près des maisons ici chez nous. Alors Véronique, là, chapeau, j'espère que vous êtes aidée par la famille. Oui, j'ai mon fils qui va arriver là si peu, et puis j'ai l'habitude, hein, donc voilà, j'anticipe beaucoup aussi, donc comme ça on y arrive aussi. Ben c'est très donc, bien. Voilà. Véronique, nous avons aussi envie de vous faire plaisir avant de vous passer à la question. Et donc, nous allons vous faire écouter vos chanteurs préférés. Il y a certains jours où je reprends mon skate et je vais faire un tour en 1987. Ah, mon année de naissance. Je suis calé en musique. Il parle bien le français. Je ne savais pas qu'il parlait aussi fluently le français. Calogero, un petit coup de sardou, monsieur. Un petit coup de sardou. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme un melon. On s'effonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du bourbon. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je suis obligé. Bon, Véronique. 5, c'est le score à égaler ou battre si vous voulez partir à Disneyland Paris, d'accord. Je vous pose... Ben répondez au téléphone sur l'autre ligne, il n'y a pas de souci. Et vous savez quoi, moi je peux mettre une musique d'attente. Si vous avez des gens qui doivent venir chez vous ce soir et qui veulent savoir si vous serez prête ou pas, vous pouvez répondre, je mets une musique d'attente. Non, c'est bon, vous me dites. Non, c'est bon, très ça bien. Y est, j'ai donné le téléphone au frère, donc bon. Comme ça c'est bien. C'est donc 5 le score à battre, je vous pose les questions, d'accord. Oui. Et vous tentez de me donner un maximum de bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prête? Oui, allez, je suis prête. Bah, je vous dis bonne chance. Allons-y, top chrono. Quel nom de chewing-gum désigne aussi un homme très fort? Je passe. Combien de jours y a-t-il dans le calendrier de l'Avent ? 24. Qu'admire-t-on chez une personne qui a de belles bacchantes ? Des moustaches. Comment appelle-t-on les pieux sur lesquels les moules sont élevées ? Des bouchots. À quel artiste a-t-on décerné l'album RTL de l'année 2018 ? Je passe. Quel légume a pour variété le camus de Bretagne ? Le chou-fleur. Comment s'appelle le héros de nombreux films de Francis Weber ? Pignon. Quel sport pratique un bobeur ou une bobeuse ? Bobsleigh. Comment s'appelait le chauffeur du camion dans l'émission C'est pas sorcier ? Je passe. En téléphonie mobile, que signifie le G de 4G ? Je passe. Quel jeu consiste à éliminer son adversaire en le touchant avec des billes de peinture ? Paintball. Quel photographe nous a souvent présenté des paysages vus du ciel ? Je passe. De toute façon, puisqu'on ne l'a pas entendu depuis 9h30, mais je peux vous dire qu'elle est là. La mère Foura, ah oui, la juge elle... arbitre de cette émission, était comme hiver. Et là, dès qu'il y a eu le gong, elle m'a fait... Et elle agitait les bras tellement, j'ai cru qu'un avion allait atterrir dans elle le studio. Elle agitait un bras quand même. Les deux, c'est compliqué. Trop de sang dans le bras. Bon, Véronique, combien de points ? Et bon, on va voir ça dans quelques secondes, ne bougez pas. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. Leclerc. Chérie, je regarde le menu du traiteur Leclerc, là. On prend bien une bûche pour les fêtes. Bah, évidemment. Ok, je vais nous commander une bûche d'ouja noire. C'est bien, ça. Une quoi ? Une bûche d'ouja noire. La rencontre entre des noisettes torréfiées et un chocolat noir 73%, c'est le top. Pour des fêtes réussies, profitez du service traiteur Leclerc. La bûche géant d'ouja noire de 550 grammes est à 10,90€, soit 19,82€ le kilo. Commande en magasin et sur www.traiteur.leclerc. Je commande, je retire en magasin et je fais un carton au dessert. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Si quelqu'un vous propose de roche-mazée, ne vous étonnez pas. Roche-mazée, c'est savourer en toute simplicité des vins et des arômes issus du Pays d'Oc. On peut par exemple roche-mazée sur des tapas, roche-mazée en rouge sur une côte de bœuf, ou en blanc sur du fromage. Sauvignon, merlot ou encore syrah, on peut vraiment roche-mazée avec toutes les saveurs. Roche-mazée, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. On dit qu'à Noël, des rennes magiques voleraient dans le ciel tout en laissant des traînées de poussière d'étoiles. Oui, oui, on le dit. Bon, de toute façon, ce qui compte à Noël, c'est les chocolats Jeff de Bruges. Raffinés, fondants, onctueux, à partir de 11,10€ le ballotin. Jeff de Bruges, tout l'esprit de Noël dans un chocolat de qualité. Pour votre santé, bougez plus. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Oh non, non ! Mais non, les enfants, on va pas manger un chaton, mais un chapon. Un chapon. Jusqu'au 31 décembre, dans votre Intermarché, le chapon fermier Label Rouge Origine France, Loué ou Saint-Sevé est à 9,49€ le kilo, avec en plus 6€ en avantage carte par chapon. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Selon approvisionnement en magasin, chapon d'environ 3 kilos. Modalité magasin participant sur noël.intermarché.com. Histoire d'or présente un Noël magique. Je l'imagine bien faire, waouh ! Ah, j'aurais plus dit... Waouh ! Non, waouh ! C'est ça qu'elle dira notre petite Zoé devant son cadeau Histoire d'or. À Noël, découvrez nos collections de bijoux pour toute la famille dans nos 350 magasins et sur histoiredor.com. Histoire d'or, votre histoire en bijoux. Si vous voulez roche-mazée et explorer de nouvelles saveurs, un conseil, les accords de roche-mazée en blanc avec une verrine de Saint-Jacques aux châtaignes. Roche-mazée, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Caroline Diamant, Bruno Guillon, c'est le grand quiz de Noël sur RTL. 32-10 pour vous inscrire, 50 centimes la minute ou vous envoyez quiz, Q-U-I-Z, là je l'ai bien fait le U. Mais parfaitement. Au 74-900 ou encore sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTL Quiz. Véronique a joué avec nous il y a de cela quelques secondes en direct sur RTL. Véronique, nous allons, si vous le voulez bien, revenir sur vos réponses, bonnes comme mauvaises, avec Caroline. Le nom de chewing-gum qui désigne aussi un homme très fort. Nous l'avons beaucoup mâché dans ma jeunesse. Oh là. Ça y est, attendez, ben je vais mettre une petite musique pour... alors... Les premiers chewing-gums, quand les G.I. sont débarqués. À Ouistreham, je peux vous dire qu'elle était là, Caroline. Mais quelle est donc cette petite substance de plastique qui est parfumée à la chlorophylle ? Un chewing-gum ! Oh, mon Dieu ! Dans ma jeunesse. Pardon, excusez-moi. Alors vraiment, et moi qui voulais me conduire bien aujourd'hui. Alors, c'est un malabar. Quand tu en as un malabar, oui. Ah, oui. Malabar, te voilà. Vas-y, fais-nous des bulles. Malabar, quand t'es là, les méchants capitulent. Quand tu en as marre, il y a mal à la barre. À l'artiste à laquelle on a décerné l'album RTL de l'année 2018, c'est la divine Louane. Sous la poussière, on était beau, pourtant. La variété qui s'appelle le Camus de Bretagne. Vous m'avez l'artichaut. Voilà, moi je vous m'avez proposé le chou-fleur. Non. On laisse l'artichaut, oui. Et puis vous avez raison, le héros des nombreux films de Francis Weber, c'est bien François Pignon. Alors, combien d'allumettes ? 2000 ? 346 422. Waouh ! Et attendez, c'est pas fini. Combien de tubes de colle ? Monsieur Pignon ? Oui. On va tout de même aller à ce dîner. Le fameux dîner de cons, celui qu'on préfère, celui auquel j'invite Bruno tous les ans. Mais je viens avec plaisir. Vous savez, on est toujours le con de quelqu'un, je suis ravi d'être le vôtre. Ah, merci. Comment s'appelait le chauffeur du camion dans l'émission, c'est pas sorcier? Il s'appelait Marcel. Marcel, oui. Non. Rappelez-vous. Bien sûr. Et en téléphonie mobile, ce 4G... Ce G de 4G ou de 5G maintenant, c'est le mot génération. Ce qui nous fait un total de combien ? Je regarde la mère Fora qui me tend la petite ardoise. Il faut que vous ayez 5 bonnes réponses au moins, Véronique. Oui. Je vous annonce que vous avez totalisé ce matin 6 bonnes réponses. Cela veut dire que vous gagnez le séjour à Disneyland Paris. Yes. Bravo, félicitations. Yes. Vous êtes plutôt princesse ou pirate? Choisissez votre camp lors du festival Pirates et Princesses du 19 janvier au 17 mars à Disneyland Paris. Lors de cette célébration interactive, profitez d'un incroyable concentré de royauté, d'aventures et de personnages Disney. RTL vous invite à choisir entre contes de fées enchantées ou aventures de pirates, épées aux couronnes, boulets de canon, robes de bal, expérience féerique que vous allez vivre en famille puisque nous vous offrons 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs, Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logé pour une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge en pension complète. Ah bah alors là, merci. Bah bravo à vous. Ah bah oui, mais c'est vrai que c'est plus dur quand on passe à la radio que quand on est derrière. Mais en tout cas, vous avez très bien joué. On vous embrasse, Véronique. Passez un joyeux Noël. Merci, moi aussi. Je vous souhaite une très bonne fête. Merci. Bonne fête. Et un nouveau voyage à Disneyland Paris. Un nouveau séjour à gagner dans quelques minutes sur RTL. Le tirage du grand loto de Noël, c'est déjà demain. Rendez-vous dans votre point de vente habituel ou sur fdj.fr pour tenter de gagner le jackpot exceptionnel de 15 millions d'euros à partager au rang 1. Et si vous ne trouvez pas les 6 numéros, le jackpot sera partagé entre tous les gagnants. Voir règlement, jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RTL, il est 10h. L'info avec Alexandre de Saint-Aignan. Elle est morte la semaine dernière sur un brancard de l'hôpital Lariboisière à Paris. Ses proches annoncent sur RTL qu'ils vont poursuivre l'hôpital pour non-assistance à personne en danger. Son beau-frère et sa nièce, ce sont eux qui sont venus reconnaître le corps de cette femme de 55 ans retrouvée sans vie 12 heures après son admission aux urgences. Édouard Philippe à la rencontre des policiers agressés sur les Champs-Élysées. Plusieurs motards qui ont évité de peu un lynchage en marge d'une manifestation de gilets jaunes. Le Premier ministre va les rencontrer ce matin. Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pour violence volontaire commise contre des policiers. Et puis autre enquête, après une agression antisémite, le même soir dans le métro parisien, 3 gilets jaunes auraient insulté une dame âgée de confession juive. Face à ces violences, le gouvernement affiche sa fermeté. Emmanuel Macron insiste sur la nécessité de rétablir l'ordre. Un fracas assourdissant dans le Gard. Hier soir, un aqueduc s'est effondré sans faire de victime. Il avait été construit il y a plus de 100 ans pour acheminer l'eau du Rhône jusqu'à Nîmes. Le dioxyde de titane, un nom bien scientifique pour un produit utilisé comme colorant dans de nombreux produits, notamment les bonbons, les desserts, les cosmétiques ou les médicaments. Plusieurs associations demandent au ministère de l'économie de le suspendre d'ici la fin de l'année, comme le gouvernement s'y était engagé. Le dioxyde de titane suscite les inquiétudes à cause des nanoparticules qu'il contient. La bourse de Paris en net recul ce matin pour ce 24 décembre, moins 0,93%. Le CAC 40 actuellement autour des 4651 points. En Indonésie, les recherches se poursuivent parmi les décombres après un nouveau tsunami. Le dernier bilan est de 281 morts et plus de 1000 blessés, mais il devrait encore s'alourdir. Un phénomène consécutif à une éruption volcanique. Les experts mettent en garde contre le risque de déferlement de nouvelles vagues mortelles. Nouvelle étape dans le retrait de l'armée américaine en Syrie. L'ordre a été signé, annonce le Pentagone. Un retrait lent et extrêmement coordonné avec la Turquie, selon le souhait de Donald Trump, qui assure que c'est le président turc Erdogan qui sera désormais chargé d'éradiquer, je cite, Daesh dans la zone. Et puis en football, une victoire qui va coûter cher à Thiago Silva. Pendant que le Paris Saint-Germain battait Nantes 1-0 samedi soir, le capitaine parisien s'est fait cambrioler. Les malfaiteurs seraient repartis avec plusieurs bijoux, des montres estimées à plusieurs centaines de milliers d'euros. La météo, aujourd'hui, quelques pluies de la Normandie à la Franche-Comté qui vont se décaler au fil de la journée. Au nord, le temps va rester frais avec des petites éclaircies. Soleil plus généreux, bien que voilé sur les bords de la Méditerranée. Du vent sur la Corse et un ciel bien nuageux sur l'ouest du pays. Les températures pour cet après-midi, il fera 3 degrés à Metz seulement, 5 à Paris, 9 à Angers, 10 degrés à Saint-Malo, 11 à Mont-de-Marsan, 14 à Nice et 16 à Bastia. Les courses à Cagnes-sur-Mer pour le Quintet. Voici les pronostics de Bernard Glass. Il vous conseille de miser sur l'As, le 12, le 13, le 3, le 14, le 9, le 10, le 11 et la dernière minute, c'est le numéro 13, Pagomix. Il est 10h03 sur RTL. Vous retrouvez Caroline Diamant et Bruno Guillon pour le grand quiz de Noël. Mais avec grand plaisir, Alexandre, et c'est avec le même plaisir qu'on vous retrouvera tout à l'heure à 11h. À tout à l'heure. C'est le grand quiz de Noël sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Oui, c'est votre rendez-vous toute cette semaine de Noël. Caroline Diamant sera votre mère Noël et je serai le lutin. Avec plaisir, mère Noël. Avec les petits grelots. Oui, c'est obligatoire. Je me déplace toujours en faisant ce bruit-là. C'est l'esprit de Noël. On est obligé, quand on est lutin, d'avoir c'est des vrai. Petits grelots. D'ailleurs, au bout d'un moment, ça devient pénible. Ça c'est peut drôle. Être, hein. Ça peut être énervant, oui, ça je peut sais. Stresser. Vous jouez avec nous pour repartir avec des séjours à Disneyland Paris. Et un nouveau séjour est en jeu avant 11h du matin. Vous voulez participer au quiz de Noël, c'est simple. Vous appelez le 3210 pour vous inscrire, 50 centimes la minute. Ou alors vous envoyez quiz, Q-U-I-Z, par SMS au 74-900. 75 centimes par SMS ou encore les réseaux sociaux avec le hashtag RTL Quiz. On a offert le premier séjour il y a de cela à peine 5 minutes. Vous jouez maintenant. Le temps pour nous d'écouter Tibbs sur RTL. On se voit, on se connaît. Quand nos regards se croisent, on s'attire, on se promet. Les plus belles phrases, je te dirai que moi la préface, je la connais. La nation s'embrasse. On se cherche de ville en ville. Par amour on se trouve, on laisse les âmes futiles. Écrire de beaux discours, simplicité. La nation s'y engage et complicité. On fera des ravages. We are from the north, we came from the south, we are the nation. We are from the north, we came from the south, we are the nation. Yes, we are. Yes, we are. Je, tu, elle, il. On a la rage au cœur, nos langages subtils viennent d'ici et d'ailleurs, nous ferons face. Et grâce à nos esprits, la nation s'embrasse, la nation guérit. We are from the north. Tu le sens, le bonheur qui se dessine à l'horizon. Est-ce que tu la sens, la chaleur La nation devient ta maison. Pour se donner, embrasser le monde entier. We are from the north, we came from the south. We are the nation. Tibbs sur RTL Nation. Bonjour, c'est Thomas Hugues. Tradition oblige, les fêtes de fin d'année sont l'occasion de prendre de bonnes résolutions et je serais curieux de connaître les vôtres, tiens. Parce qu'il ne faut jamais laisser un proche qui a trop bu reprendre le volant. Moi, j'ai toujours une chambre d'amis ou un canapé-lit à disposition et s'il faut confisquer les clés de voiture, pas d'hésitation. Pourquoi ? Parce que la nuit, un accident mortel sur deux est causé par l'alcool. Alors ne laissez pas quelqu'un qui a bu reprendre la route. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière. Tous responsables. Vous entendez ce bruit ? C'est Fatou qui bêche le seul lopin de terre qui lui reste après avoir été expulsé par une multinationale. Là, ce sont des tronçonneuses qui détruisent les ressources naturelles et aggravent encore la faim dans le monde. Et là, c'est le bruit de mon stylo qui fait un chèque au CCF des Terres Solidaires pour que demain, chacun mange à sa faim. Pour lutter contre la faim, tout le monde peut faire un geste. Donnez sur ccfd-terresolidaires.org. CCFD Terres Solidaires. Tous humains contre la faim. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les soirées de Louise qui changent. Avec la télé Samsung 140 cm 4K Ultra HD à 490€ au lieu de 590. 100€ d'économie sur la télé 4K Samsung, Louise. Même les plus grands navets vont devenir des films de qualité. Jusqu'à ce soir, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent 100€ d'économie sur la télé Samsung 140 cm 4K Ultra HD. Et vos soirées changent. Auchan. Dont éco-participation 15€. Le grand quiz de Noël sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Avec 6 points, tout à l'heure, Véronique a gagné son séjour à Disneyland Paris. Venez tenter votre chance en appelant RTL maintenant au 3210. Et c'est ce qu'a fait Dominique. On part dans le Loiret ce matin. Bonjour Dominique. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Dominique, bienvenue sur RTL avec nous. Merci. Dominique, qu'avez-vous prévu pour le réveillon de Noël ? Dites-nous tout. Alors le réveillon, ça va être assez calme. C'est juste avec mon fils, puisque les autres enfants sont avec leur belle famille. Ça va être un petit peu de... Pour lui, des escargots, pour moi, du saumon fumé, du pavé de biche et puis une petite omelette norvégienne. Mais le vrai repas, c'est demain avec tous les enfants. D'accord. Ah, écoutez, nous, on arrivera aux alentours de 21h avec Caroline, le temps de faire la route. D'accord. Dominique, un peu de musique, fan de Cabrel. Il voulait trouver mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Soleil sur les murs de poussière, il voulait trouver mieux. La Dame d'Haute-Savoie, c'est ça, non ? Cette chanson, c'est... Non, les murs de poussière, autant mais pour moi. C'est une de ses premières, ça. C'est vrai. Oh, peut-être qu'on en a une un peu plus récente. Monsieur Touchard, qui réalise cette émission, faites-nous voir ce que vous aviez. Le gardien de nuit, c'est... Ah oui. Beaucoup plus compliqué. Ah oui, Soldat Rose. Dans le Soldat Rose. Le jour finit toujours par arriver. Dominique, vous pratiquez la plongée. Plongée et biologie sous-marine, dites-moi. Oui. Alors, c'est-à-dire, vous étudiez... Savoir reconnaître les animaux et puis la flore aussi, sous-marine, et savoir comment ils vivent et où les trouver. Mais vous savez qu'en plongeant très très profond, il est possible, Dominique, que vous trouviez nos blagues à Caroline et moi-même qui vivent dans les fonds sous-marins. On peut y aller qu'avec un batiscaf équipé pour retrouver notre sens de l'humour. Bon, allez, Dominique, vous allez jouer pour tenter de repartir avec ce séjour à Disneyland Paris. C'est Caroline qui vous pose les questions, d'accord? Un maximum de bonnes réponses à établir. Et si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous pourrez choisir une enveloppe de la Mère Noël où se cachent des MacBooks, des iPhones, des iPads ou autres téléviseurs 4K 49 pouces. Est-ce d'accord. que vous êtes prête? Oui. Top chrono, c'est parti. À quelle date célèbre-t-on la Saint-Nicolas? Le 6 décembre. Quel animal est Gromit dans le duo de personnages d'animation Wallace et Gromit? Un cochon. Quel sport l'acteur et réalisateur Guillaume Canet pratique-t-il en compétition? L'équitation. Que tire-t-on le jour de l'Épiphanie? Les rois. Sous quel nom connaît-on mieux la chanteuse Héloïse Letissier? Je passe. Quel fromage trouve-t-on dans une vraie quiche lorraine? Du comté. Quel type de devinette commence par « mon premier » et finit par « mon tout » ? Charade. Quel acteur américain joue Harry Kéber dans l'adaptation télévisée de Jean-Jacques Hano ? Passe. Quel mot désigne un ensemble de colliers, boucles d'oreilles et bracelets coordonnés ? Une parure. À quelle chanteuse est marié le rappeur Jay-Z ? Passe. Comment appelle-t-on le croissant blanc situé à la base de l'ongle ? L'inule. Comment s'appelait la collie de Maïté dans la cuisine des mousquetaires ? Oh là, vous avez oublié le prénom de la personne qui m'accompagnait dans la cuisine de la mousquetaire. Je suis très content parce que c'est la seule imitation que j'arrive à faire depuis 20 ans. Vraiment. Vous la tenez bien. Hein. Je sais, il n'y a que celle-ci. Voilà, je vais estourbir cette anguille. Oh bah, elle bouge. C'était Micheline Banzé. Est-ce qu'on a un extrait? Oui, on a un extrait. Et c'est glissant. Il tient votre chiffon à peu près? Oh que oui. Oh, bon, vous l'assommez un petit coup là pour l'endormir. Je crois que ça ne lui suffit même pas. Viens là, ma chérie. Tu n'auras pas ma peau. Ben dites-moi, c'est vigoureux, là. C'est terrible. Hein. Terrible. Vous hein, avez l'air de vouloir dormir, hein. Voilà, et là, on parle donc de l'anguille qu'elle tentait d'estourbir. C'était extraordinaire. Moi, je sais que la cuisine des mousquetaires, c'est l'émission. Vous regardiez cette émission, vous preniez 7 kilos sans rien manger. Vous savez que le jour où ils ont arrêté, les producteurs de beurre ont diminué leur chiffre d'affaires de 50%. Ça a été un cauchemar dans la filière. Dominique, combien de bonnes réponses? On va revenir sur vos réponses, justement, juste après ça. RTL, on a tellement de choses à se dire. Bonjour, c'est Yves Calvi, je vous souhaite de très joyeuses et de très heureuses fêtes à l'écoute d'RTL. Histoire d'or présente un Noël magique. Je l'imagine bien faire, waouh. Ah, j'aurais plus dit waouh. Non, waouh. C'est ça qu'elle dira notre petite Zoé devant son cadeau Histoire d'or. À Noël, découvrez nos collections de bijoux pour toute la famille dans nos 350 magasins et sur histoiredor.com. Histoire d'or, votre histoire en bijoux. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, c'est la fin. Des haricots ? Ah mais non, au contraire, pour eux ça ne fait que commencer. En ce moment, chez Lidl, les haricots verts sont à 1,99€ le sachet de 500 grammes. 1,99€ le sachet de 500 grammes de haricots ? Je suis vert. Tu me racontes pas des salades au moins ? Bah non patron, hein, c'est le vrai prix. Ah oh, on est vraiment mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 3,98€ le kilo, catégorie 1, origine Kenya ou Guatemala. Supermarché exceptionnellement ouvert ce dimanche 30 décembre. Plus d'informations et horaires sur Lidl.fr. Les hits RTL avec Angèle, Jérémy Frérot, Marc Lavoine, Maroon 5, Ed Sheeran, Georges Ezra, Maître Gims et Vianney, Zazie. Les hits RTL 2018, la compile événement. Le moment du dessert. La bûche chocolat vanille et son croustillant praliné. La version pâtissière et sa mousse au café. Ou le sorbet coco citron vert sous sa meringue légère. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant ce réveillon, je compte bien me faire plaisir. En ce moment, chez Picard, laissez-vous surprendre par notre collection de 23 bûches glacées et pâtissières en édition limitée et passez Noël sous une bonne étoile. Picard, chaque jour un goût nouveau. Pour votre santé, évitez de grignoter. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins... À bicyclette électrique. Nous nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Patrick! Vous aussi changez pour l'électrique et devenez l'énergie qui change tout. Jusqu'au 15 janvier, pour tout nouveau contrat d'énergie, EDF vous fait gagner des vélos. Électrique! Appelez le 3004. Service et appel gratuit. Règlement sur edf.fr/moi-électrique. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Roulez en Peugeot maintenant, commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de conduire la compacte urbaine Peugeot 208 et si vous êtes impatient de déjouer les contraintes de la ville et de vous garer facilement avec son parc assist, alors n'attendez pas l'année prochaine. Rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant de votre Peugeot 208. LLD 37 mois 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par détail sur Peugeot.fr. RTL. Le grand quiz. C'est le grand quiz de Noël. Dominique est dans le Loiret à Sougy. Elle a joué avec nous en direct sur RTL il y a de cela quelques minutes. Dominique, nous revenons, si vous le voulez bien, sur vos réponses. Oui, nous célébrons la Saint-Nicolas le 6 décembre. Par contre, gros mythe. Ah bah alors, on embrasse Nicolas. Est-ce que c'est celui qui va dîner avec vous ce soir ou celui qui fait faux bon avec sa belle famille? Non, c'est celui qui fait faux bon. D'accord. Mais oui, mais c'est le problème dès qu'on se met en couple, c'est ça. On ne parle pas assez du déchirement des fêtes de Noël. Une année, on va chez moi. Une année, on va dans ma belle famille, etc. Mais c'est non, compliqué. Mais ils viennent demain, tous. D'accord. Gros mythe, ça n'est pas un cochon.